antécédents vecteurs. Violence. Antisocial de niveau 6. Violation répétée du code d'état d'urgence permanent. Insolence. Insoumission. Rébellion. C'est le jour des corbeaux. Qui m'a rendu comme ça, tout le monde s'en fout. Je suis mauvais contribuable, même pas bien du tout. Économiquement, je pose problème, personne trouve de solution. Même les porcs qui se pavent en costume à la télévision. J'ai une flaque de pisse à la place du cerveau. À force d'avoir écouté les violons venus d'un haut, frustré de n'avoir jamais vu ce qu'on m'avait promis. Séquestré dans un mode de vue qui m'a rendu aigri. Sans travail, j'ai pas de famille, pas de domicile. Je gratte des thunes à l'assistance. En plus, j'ai le bon profil, c'est facile de se dégrader en écrit affamé. Tu débloques, tu pètes vite ta capte, y'a plus rien à grailler. Un crève-dalle, j'arpente le bitume. Tu m'agresses les passants, t'as beau pleurer. C'est leur mépris qui t'agaçant. Ça m'a fait changer de visage, d'apparence et d'attitude. Et même bourré calmement, j'ai l'impression d'être en aptitude. Zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing. Quand on devient dingue. Zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing. On se lingue entre dingue. Chopé plein de tics stressés, j'ai des convulsions. Pour me calmer, faut m'attacher avec des injections. J'suis passé devant psy, mais il savait toute ma vie. Pourtant, j'avais jamais vu une vie qui a tout déduit. Il m'a dit que je souffrais, j'avais deux personnalités. Ça m'a fait flipper, alors je me suis sauvé. Et dans ma tête déglinguée, décidé de tout bousiller. Entraîné dans ma chute avec moi, ceux qui m'y ont poussé. Du notable véreux aux contribuables orgueilleux, qu'ils soient tous maudits. Je brûle par mon feu. La, la, la, la, c'est le jour des corbeaux. La, la, la, la, je plane dans les airs parce que j'ai le mal de terre. La, la, la, la, c'est le jour des. S'éveille, le coq chante clair, pourtant c'est dur de se tirer du sommeil. Les brebis se rassemblent dans la forêt de poulot. Le troupeau met la ferme afin de nourrir ses agneaux. Dans l'enclos national, ça va mal, le berger veut faire croire au Père Noël. Mais le bétail est excédé secret pour payer les taxes, les impôts. À force de se gaver, les tables explosent comme le crapaud. Ils promettent aux électeurs des festins grivants. Les cerveaux pètent la dalle, trois fois rien. À quand le temps où les affameurs suceront des olives et que les loups démunis deviennent la risée des chiens. Dans les champs de béton, l'épouvantail sévit. La répression pousse les jeunes oiseaux à devenir aigris. Moineaux devenus corbeaux qui saccagent l'escalier. Reste son volton dans une cellule capitolée. Le capital pour ses territoires et trésors. Et c'est le renard qui protège sa poule aux odeurs. Si t'es seul, rusé, faucheton, tu décroches le pompon. Coco, dirige et tu bouffes tous ces cons de rouge chaperon. Zing, zing, zang, zing, zang, zing, zang, zang, zing, zing, zang, zang. Quand on devient dingue. Zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing. Plumé dans la jungle. La, la, la, la, c'est le jour. C'est pas pour ça que t'es ici. C'est uniquement à cause du système.